رضي الله عنهما كونوا ربانيين حلماء علماء وفقهاء ويقال رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Le guide des croyants en matière de hadith, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahallahu ta'ala, a dit, chapitre, la science avant la parole et l'acte. D'après la parole d'Allah le Très-Haut, et sache donc en vérité qu'il n'y a point de divinité à part Allah, c'est-à-dire la parole de Tawhid, kalimatu Tawhid, la ma'bouda bihaqqin illallah, point de véritable divinité à être adoré sinon Allah. Il a commencé par la science, et les savants sont les héritiers des prophètes. Ils ont hérité la science. Celui qui l'acquiert a certes acquis une immense part. Et celui qui suit un chemin pour y rechercher la science, Allah lui facilitera un chemin pour le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et certes, ou seulement, parmi ses serviteurs, ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Et de même, Allah azza wa jal a dit, et ne les comprennent, c'est-à-dire les paraboles, seulement les savants. Et de même, Allah azza wa jal a dit, et ils ont dit, si nous avions entendu ou nous avions raisonné, nous ne ferions pas partie des gens de la fournaise. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dit, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et de même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, seulement la science ne s'acquiert que par apprentissage. Abu Dharr radiallahu anhu a dit, et même si vous placiez l'épée sur ce membre et il a montré sa nuque, puis je suis certain de transmettre une parole que j'ai entendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que vous m'exécutiez. Et enfin, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit concernant la parole d'Allah le Très-Haut, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et soyez des éducateurs, le sens est savant, sage, et ceux qui sont doués de compréhension. Et on dit que l'éducateur est celui qui éduque les gens en commençant à leur apprendre les points de science faciles, les bases, puis les points importants, ou avant les points importants. فَفِي هَذِهِ النُّصُوصِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلِيلٌ صَرِيحٌ عَلَى أَهَمِّيَّةِ الْعِلْمِ وَأَنَّهُ مِنَ الْفَرَائِضِ الْمَفْرُوضَةِ على كل مكلف من عالم الجن والإنس كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم والمراد به هو العلم الواجب الذي هو فرض عين لا يسقط عن أي مكلف من ذكر وأنثى. Donc tout d'abord, ici, dans ces textes qui sont tirés du livre d'Allah Azza wa Jal et qui sont tirés de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une preuve claire à affirmer de l'importance de la science. Que la science fait partie des obligations qui ont été imposées à toute personne chargée de responsabilité, qu'elle fasse partie du monde des êtres humains ou qu'elle fasse partie du monde des djinns, comme cela a été établi dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a été rapporté dans le sunnan de Ibn Majah, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Donc ce hadith est authentique, donc il se trouve dans Sunan Ibn Majah. Le sens de ce hadith est, comme l'ont éclairci les gens de science, c'est la science obligatoire qui est imposée à toute personne et dont cette science, personne ne peut s'en dispenser ou s'en dégager. Parmi les êtres masculins et les êtres féminins. وكذلك في هذه النصوص من الكتاب والسنة بيان فضل العلماء كل بحسب ما عنده من العلم ويكفي العلماء شرفا وفضلا أنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة فهم ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهم أي العلماء صفوة الخلق في مجتمعاتهم لكونهم هم أهل العلم والعمل والتعليم فقد جاء في السنن الأربعة وكذلك في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم بما يصنع وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Et donc également dans ces textes tirés toujours de la parole d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une mise en évidence du mérite des savants, et tous selon ce qu'ils ont acquis comme science ou ce qu'ils ont comme science. Et il suffit ou suffit simplement pour les savants, pour honneur et comme mérite, que ou qu'ils sont les héritiers des prophètes, qu'ils sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette communauté. Ils ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam la science. La science tirée du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants, ils sont considérés comme l'élite des créatures dans leur société, du fait qu'ils sont les gens de science, les gens qui mettent en pratique la science et les gens qui enseignent la science. Et pour simplement mettre en évidence cela, a été rapporté dans les quatre sunnan, c'est-à-dire dans le sunnan de An-Nasa'i, dans le sunnan de Abi Daoud, dans le sunnan d'Ibn Majah, et dans le Jami' de Tirmidhi, et également dans le musnad de l'imam Ahmed, et également dans le sahih d'Ibn Hibban, et le hadith est authentique, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui suit un chemin ou qui emprunte un chemin pour y rechercher la science, Allah lui facilitera un chemin parmi les chemins qui emmènent au paradis. Et certes, les anges déploient leurs ailes pour celui qui recherche la science, du fait qu'ils sont satisfaits de ce qu'il accomplit. Et certes, le mérite de celui qui apprend sur celui qui accomplit des actes d'adoration est équivalent au mérite de la lune, les jours, les nuits de pleine lune, aux autres astre. Et celui qui apprend, ceux qui se trouvent dans les cieux et ceux qui se trouvent dans la terre, implore ou demande à Allah qu'il lui pardonne. Et même le poisson qui se trouve au fond de la mer. Et les savants sont certes les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni argent, n'ont pas laissé en héritage ni argent, que ce soit le dinar ou que ce soit le dirham, mais seulement ce qu'ils ont laissé est la science. Et celui qui l'acquiert a acquis une immense part. وأيضا ففي هذه النصوص من الكتاب والسنة الترغيب للاستمرار في الطلب بدون حد ولا نهاية ما دامت الروح في الجسد لأن كلما كثر نصيبك من الميراث عظم أجرك وكثر خيرك وارتفع قدرك عند الله تبارك وتعالى. Et de même, parmi ces textes, donc ces textes tirés toujours du livre d'Allah Azza wa Jal et tirés de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a une incitation, un encouragement à persévérer dans la recherche de la science, et cela sans limite et sans fin, tant que l'âme sera toujours dans le corps, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Et chaque fois que ta part de l'héritage, c'est-à-dire l'héritage, la science qu'a laissé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'accroîtera, alors ta récompense, elle se multipliera, et également ton bien sera énorme, et également l'estime qu'aura Allah auprès de toi sera élevée. فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر بمعنى أي صار حظه أوفر الحظوظ. Et donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, celui qui acquiert de la science, il a certes acquis une immense part. C'est-à-dire que la part que la personne a acquise est devenue la plus grande part qu'on peut acquérir dans cette vie d'ici-bas. La preuve. ولم يعرج النبي صلى الله عليه وسلم على الحظوظ الدنيوية بكثرة أموال ولا بالجاه ولا المنصب ولا بكثرة ولد ولا شيء من ذلك وما ذلك إلا لحقارة متاع الدنيا عند الله تبارك وتعالى ولشرف العلم والعلماء. Et donc la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est point tourné vers les biens de cette vie d'ici-bas en multipliant ou en amassant de l'argent ou en recherchant un poste, une fonction, c'est-à-dire une notoriété, ou même en recherchant ou en recherchant la multiplication d'enfants, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'enfants, ou toute autre chose de ce fait. Et du fait que les biens de cette vie d'ici-bas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont d'une bassesse, mais ceux qui a été honoré et ceux qui a du mérite, c'est la science et les savants. فلهذا رفع الله قدر العلم والعلماء الذين تعلموا العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ونشروه في عباد الله وعملوا به على مراد الله تبارك وتعالى وعلى النهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé, la valeur de la science, le mérite de la science et des gens de science, les savants, ceux qui apprennent la science en recherchant l'agrément d'Allah, en recherchant l'agrément d'Allah, le visage d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire avec sincérité, et qu'il le propage auprès des serviteurs d'Allah, et qu'il le mette en pratique, c'est-à-dire qu'il mette en pratique cette science selon ce qu'Allah a désiré et conformément au suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fafi hadhihi an-nusus al-bisharatu al-'azima li-talib al-'ilm. Et donc parmi ces textes toujours tirés du livre d'Allah azza wa jal et tirés de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahaba wa hum ulul irfan. Et donc comme l'a dit Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, la science est ce qu'Allah a dit et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce que les compagnons ont dit, qui sont ceux qui sont dotés de connaissances. Et donc, comme vous l'avez vu ici, les gens de science, quand ils nous véhiculent la science, ils se réfèrent à ces trois références, qui est le livre d'Allah Azza wa Jal, qui est la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la parole ou les actes des compagnons. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, lorsqu'il s'est argumenté, donc ici, des preuves pour le titre qu'il a intitulé à son chapitre, la science avant la parole et l'acte. Il nous a cité des versets, il nous a cité des ahadiths, et il nous a cité des paroles de compagnons. Ceci est la science. هذا هو العلم. Et donc, il y a dans ces textes une immense bonne nouvelle pour celui qui recherche la science. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في جامع الترمذي وهذا الحديث صححه العلامة الشيخ محمد ابن نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة فكل عاقل يريد الطريق التي تصيله إلى رضا الله تبارك وتعالى وإلى جنته. Et donc ici la bonne nouvelle pour celui qui recherche la science est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte un chemin pour y rechercher la science, Allah lui facilite un chemin pour accéder au paradis. Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi dans son livre Al-Jami'. Et il a été authentifié par le très grand savant Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans son livre Sahih Al-Jami'. Et toute personne douée de raison, elle désire suivre le chemin qui va l'emmener vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal et qui va l'emmener vers le paradis. Donc toute personne qui est censée, elle désire suivre ce chemin pour être sauvée et pour accéder au paradis. Walakin al-mubtala wal-mahroum man a'rada 'anil 'ilm wa 'anil 'amal bih wa athara dunyahu 'ala ukhratihi. Et donc celui qui est éprouvé, ou à celui à qui on a interdit, c'est celui qui s'est détourné de la science et qui s'est détourné de mettre en pratique la science et qui a préféré les biens de la vie d'ici-bas à l'au-delà. فليعلم الراغب في العلم أن طرقه متعددة وأن وسائله متنوعة ليست محصورة في حلقة العلم. Et celui qui désire la science, il faut qu'il sache que les chemins pour acquérir la science sont divers, que les moyens également qui ont été employés pour diffuser la science sont multiples. Elles ne sont pas simplement limité aux assises de science. Walakin asasul ilm. Huwa at-talaqqi wa sun'u halaqat al-ilm wal-ijtima'u ma'a al-mashayikh بحسب قدرتهم وفوق كل ذي علم عالم كما قال الله عز وجل في سورة يوسف. Mais la base, le fondement de la science, l'origine de la science, c'est la réception, c'est-à-dire de se rendre vers les savants et de prendre d'eux la science en accomplissant des assises de science, en se réunissant autour des gens de science, des savants, et selon leurs capacités. Car comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وفوق كل ذي علم عليم, et au-dessus de chaque personne douée de science, il y a une personne plus savante. كما أن من الوسائل لنيل العلم قراءة الكتب المؤلفة في العلوم الشرعية ووسائله. Et donc, parmi les moyens qui ont été utilisés pour acquérir de la science, il y a les livres qui ont été composés par les savants dans diverses sciences religieuses. وَمَا يُذَاعُ مِنَ الْبَرَامِجِ الدِّينِيَّةِ وكل ذلك نافع ومفيد. Et également, il y a ce qui est propagé comme programme, ou ce qui est diffusé comme programme religieux. Tout cela est profitable et utile. وفي زماننا يوجد برنامج اسمه Nour ala darb. Et donc, dans notre temps, il y a un programme qui est diffusé. Ce programme se nomme Nour ala darb, une lumière sur le chemin. C'est un programme qui est chaque soir diffusé dans une radio qui se nomme Iza'atul Qur'an al-Karim. C'est une radio qui se nomme donc la radio ou le canal du noble Qur'an. C'est une radio qui est diffusée en Arabie Saoudite. Et chaque soir, cette radio invite un savant, généralement qui fait partie de l'Ajna Da'ima, qui fait partie du comité permanent. Et chaque soir, donc, ils invitent ces grands savants, comme exemple, Cheikh Salah ibn Fawzan al-Fawzan, Hafizah Allah Ta'ala, par exemple, et on leur pose des questions. Et ils répondent donc à ces questions. فَكَمْ تُعَرَدُ فِيهِ مِنَ الْأَسْئِلَةِ وَتَأْتِي الْأَجْوِبَةُ عَنْهُ فَقَدْ يَسْمَعُ الْإِنسَانُ في الجلسة واحدة أحكاما عديدة وهو مضطجع على فراشه. Et donc dans ce programme, il y a de nombreuses questions qui sont posées au grand savant et dont on écoute les réponses. Le croyant, il, à travers ce programme, il peut écouter dans un seul cours divers jugements ou divers points. Alors que la personne, elle peut même écouter ces divers points en étant allongé sur son lit. وكان سلفنا الصالح يرحل الواحد منهم الشهر أو الشهرين من أجل أن يسمع حديثا واحدا من حكم واحد. Et nos prédécesseurs pieux, ils voyageaient, ou un parmi eux voyageait pour écouter simplement, pour entendre simplement un seul hadith pour un seul point. كما رحل جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحل إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه من المدينة إلى دمشق فرحل إليه ووقف على الباب أو على بابه فاستأذن فقالوا من؟ قال جابر فقالوا جابر بن عبد الله قال نعم فخرج عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وهو يجر رداءه فاعتنقه فسأله ما جاء بك؟ فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث سمعت أنك تحفظه وخفت أن أموت قبل أن أسمعه وهو حديث القنطرة. Et il y avait donc parmi nos prédécesseurs pieux un compagnon du nom de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, qui fait partie bien sûr des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a entrepris un voyage pour se rendre chez un autre compagnon qui se nomme Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu vivait à Médine. Et l'autre compagnon, Abdullah ibn Unais, radiallahu anhu, vivait à Dimashq, Damas, la capitale de la Syrie. Et donc, il s'est rendu, il est parti de Médine et il s'est rendu à Damas. Et comme l'ont dit les gens de science, comme Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, également comme Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, et nos savants de notre époque, comme Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Metrali rahimahullah ta'ala, et d'autres, le voyage qu'il a entrepris a duré 1 mois à 2 mois. Et pourquoi ? Simplement pour écouter un hadith. Et donc, il est parti jusqu'à ce qu'il est arrivé à la porte du compagnon Abdallah ibn Unais, radiallahu anhu. Il a demandé la permission. C'est-à-dire qu'il a demandé la permission, donc en restant auprès de la porte, pour que Abdallah ibn Unais sorte. Il est resté auprès de la porte, il n'est pas sorti. Il est resté auprès de la porte. Et quand il a demandé auprès de Abdallah ibn Unais, on lui a dit, qui est-ce ? Il a dit, Jabir. Et ceux qui étaient présents dans la maison ont dit, Jabir ibn Abdillah. Il a dit, oui. Et ils ont informé Abdallah ibn Unais, radiallahu anhu, il est sorti de sa maison en traînant son habit du bas, et ensuite il a fait l'étreinte ou il a donné l'accolade à Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, et lui a dit, et il l'a questionné, il lui a dit, pourquoi es-tu venu, quelle est la raison qui t'a amené à venir chez moi? Et Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu a dit, un hadith que j'ai entendu que tu le mémorisais, et j'ai eu peur de mourir avant de ne l'avoir entendu. Et ce hadith, c'est le hadith, on l'appelle hadith al-Qantara, le hadith du viaduc. Fa nassul hadith, donc il n'y a pas de mal à mentionner ce hadith. Ce hadith a été rapporté par الإمام أحمد في son مسند، وهذا الحديث أوثنتيك. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تبارك وتعالى العباد أو قال الناس شك همام وأومها بيده إلى الشم حفاة عراة غرا بمها فقال فقلنا ما معنى بهما فقال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب أنا الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة يطلبه بمظلمة حتى لطمة قال قلنا كيف وإنما نأتي الله حفاة عراة غرا فقال بالحسنة والسيئات ثم فرجع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه من الباب ليكون السفر هذا خالصا صحيحا من أجل طلب حديث واحد. Et donc, concernant le texte du hadith que Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, a voulu entendre du compagnon Abdullah ibn Unais, radiallahu anhu, le hadith est que Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: Allahu tabaraka wa ta'ala rassemblera les serviteurs. Ou bien il a dit les gens. Un des rapporteurs dans la chaîne de transmission, qui se nomme Hammam, a douté. C'est-à-dire, il a douté. Est-ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit les serviteurs ou bien il a dit les gens? Et ensuite, il a dit, il a montré de sa main Hacham. Hacham, c'est les pays, la Syrie, la Jordanie et la Palestine, qu'on appelle Hacham. Il a montré ces pays, c'est-à-dire que le rassemblement se fera là-bas, nus, pieds nus, incirconcis et bourman. Et les compagnons et ceux qui avaient écouté ce hadith ont demandé à Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, quelle est la signification de Bohman? Il a dit qu'ils n'auront rien avec eux, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucun bien avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala les interpellera d'une voix que celui qui est loin l'entendra et que celui qui est proche l'entendra. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira: je suis le maître de la rétribution. Il ne convient à personne d'entrer au paradis et il ne convient à personne d'entrer en enfer tant que celui-ci, on lui réclame une injustice et même un coup qu'il a donné. Et ensuite, ceux qui ont écouté le hadith ont dit: comment nous viendrons à Allah nus, pieds nus et incirconcis? Et il a répondu, ce sera avec les bonnes actions et les mauvaises actions. C'est-à-dire que comme ils n'auront rien, ils seront nus, pieds nus, incirconcis, le règlement se fera par les bonnes et les mauvaises actions. Et ensuite, quand Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu a entendu ce hadith, il était toujours devant la porte. Il n'est pas rentré chez l'autre compagnon. Pourquoi? Car il a voulu que son voyage qu'il a effectué pour entendre un seul hadith soit ou a été effectué d'une manière sincère. Il n'a pas voulu rentrer chez lui pour que Abdullah ibn Unais l'invite et qu'il puisse manger et boire. Et ceci montre de la sincérité des compagnons. Wa nahnu اليوم والحمد لله بوسائل متعددة نستطيع أن نجمع علوما شتى كحلقات العلم والاتصال الهاتفي بالمشايخ. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre époque, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a honorés par sa grâce. C'est qu'on a plusieurs moyens d'acquérir la science. Allah, il nous a facilité. C'est qu'on peut maintenant assembler ou amasser divers points de science, comme par exemple se rendre à des assises de science, ou même en téléphonant aux gens de science. Walaw qara'a ahadun kitaban wa 'arafa ma ba'da fihi wa ashkala 'alayhi al-ba'd wa dawwana ma ashkala 'alayhi. واتصل بمن يثق به من أهل العلم والسنة من أجل أن يطلب منه أن يحل له ما أشكل عليه. Et donc, il y a une recommandation des gens de science qui a été faite pour nous. C'est que maintenant, celui qui ne peut voyager ou se rendre vers les gens de science, il lit un livre des gens de science. Il lit un livre des gens de science. Ce qu'il a compris, il le note. Et ce qu'il n'a pas compris de ce livre, également il le note. Et ce qu'il n'a pas compris, il s'adresse ou il choisit une personne des gens de science à qui il a confiance. Il lui téléphone, par l'aide du téléphone, il lui téléphone et il demande à cette personne de science de lui éclaircir les points qu'il n'a pas compris. فيصبح الكتاب كله عنده معلوما محلولا. Et donc, à partir de ce moment-là, le livre qu'il aura lu, auprès de lui, il sera connu et il sera compris. وهذه من الحكمة التي قالها أهل العلم لنا. Et ceci est une ou est un des conseils qui nous a été donné par les gens de science, comme le très grand savant qui vient de décéder, Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Matrali rahimahullah ta'ala. Donc celui qui ne peut voyager, qu'il prenne un livre et que ce qu'il ne comprend pas, il téléphone à des gens de science. Des gens de science qui suivent le bon chemin, qui ont la bonne croyance. Raja'an al-ajr. Et eux, ces gens de science, ils recherchent la récompense. Fayaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kama ja'a fi musnad al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala ad-dallu 'ala al-khayr كفاعله ويقول أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر فله مثل أجر فاعله أو عامله. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده. Et donc les gens de science, ils ont donné ce conseil pour rechercher la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui indique un bien ou qui invite à un bien, est comme s'il l'a accompli. Et dans un autre hadith, et qui est rapporté par Ahmed également dans son Musnad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invite à un bien aura la même récompense que celui qui l'accomplit. Idhan, ana wa antum, wa kullu an-nas, wa al-mubtadi'un min tullab al-'ilm, wa man 'indahu min faragh min ahli al-'ilm, qad yastafidu aydan min hadhihi al-wasa'il, kal-baramij at-tayyiba, wan-nadawat, wal-muhadarat, wa nahwaha min al-wasa'il, min al-wasa'il at-talab. Et donc, moi, vous et tous les gens, et même ceux qui débutent dans la recherche de la science, et même ceux parmi les gens de science qui ont du temps, ils peuvent tirer profit de tous ces moyens pour bénéficier la science, que ce soit les programmes, les bons programmes, que ce soit les séminaires, que ce soit les conférences ou tout autre moyen qui diffuse, qui propage la science. Wa kadhalika al-kitabatu wa at-talkhis lil-kutub fa kullu dhalika talabun lil-ilm. Et donc également les livres ou le résumé de livres, tout cela fait partie de la recherche de la science. Walidha wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala talibahu al-jannah wa dukhul al-jannah huwa al-ghaya. Et donc c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis à celui qui recherche la science, il lui a promis le paradis. Et l'entrée ou l'accès au paradis est notre but, notre objectif. وَدُخُولُ الْجَنَّةِ هُوَ الْغَايَ. Et donc, entrer au paradis est notre but. لأنك إذا دخلت الجنة فزت بأعظم مطلوب من ناعمها وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. Et donc, si tu rentres au paradis, tu auras gagné ce qui est le plus recherché parmi les délices du paradis, qui est de regarder, de contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi naffathu al-firaqu al-mubtadi'a wa athbatathu ahlu sunnati wal jama'a li ahli al-iman في الدار الآخرة في الجنة بالأدلة من القرآن والسنة. Et donc, contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement, a été nié par les groupes, par les sectes innovatrices. Mais les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a l'ont attesté pour les gens de foi, c'est-à-dire que c'est les gens de foi qui vont pouvoir contempler le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà, au paradis. Et tout cela a été prouvé dans les textes, que ce soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Simplement pour citer juste un exemple, dans surat Al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah wujuhu yawma idhin nadira إلى ربها ناظرة وأجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Donc juste pour citer un exemple, dans Surat Al-Qiyamah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais certes, vous aimez les biens de la vie d'ici-bas et vous délaissez l'au-delà. Et ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Et ce jour-là, il y aura des visages assombris et qui subiront une catastrophe. Donc ceci est une des preuves parmi d'autres preuves qui montrent que les gens de la foi, Ahlul Iman, ils regarderont, ils verront le visage de leur Seigneur, fil Jannah. Idhan, alhamdulillahi ala hadha al-wuduh, wa la yujadu min amalin min a'malin, yusawi طلب العلم الشرعي من أجل أن يعمل الإنسان وأن يدعو الناس إليه وأن يسير الإنسان فيه بلا نهاية حتى الممات. Et donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de cette clarification. Il n'y a pas un acte parmi les actes qui est équivalent à la recherche de la science religieuse afin que l'individu puisse mettre en pratique la science, pour qu'il puisse y inviter et également pour qu'il puisse suivre ce chemin ou le bon chemin, et cela jusqu'à ce qu'il mourra. وَبِلْ أَخِرْ وَفِلْ أَخِرْ يكون الإنسان له التزامات بالتجارة مثلا أو له التزامات بعمل وظيفي ولكن أو إلا أنه لا يكون هذا العمل كل شيء فيعطي العلم من خير أوقاته min sa'ati laylihi wa naharihi. Et donc, on sait que l'homme, il est confronté, ou il a des impératifs de travail, que ce soit le commerce par exemple, ou que ce soit qu'il occupe un poste. Mais ce travail qu'il occupe, ou ce travail qu'il accomplit, ceci ne lui prend pas toute sa journée. Et donc il faut qu'il laisse pour la science le meilleur de ses temps, des heures dans la nuit et le jour, pour qu'il puisse donc acquérir la science. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْ الْإِنسَانِ فَقَدْ أرشد إلى نفسه فقد أرشد إلى نفسه أو سلق طريقا التي أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل الطرق ولكن تلاعبت بالعقول دنيا البشر فترك العلم وحل محله الجهل وتلك هي الخسارة وذلك هو الغبن. Et donc celui qui accomplit cela, c'est-à-dire qu'il recherche la science, qu'il consacre du temps dans sa journée à rechercher la science, et donc comme on vient de le citer, comme on vient de citer les gens de science, comme Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Mithrani, rahimahullah ta'ala, il a conseillé donc à ceux qui ne peuvent voyager, rechercher la science, au moins d'écouter, de lire, et cela est considéré comme la recherche de la science. Et donc celui qui agit ainsi, alors il a agi d'une bonne manière et il a suivi le meilleur des chemins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué. Mais malheureusement, les êtres, ils ont été dupés par les biens de la vie d'ici-bas. Ils ont délaissé la science et s'est installée l'ignorance. Et ceci est la grande perte et la grande du prix. فنكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله في الأسبوع المقبل سنواصل ما قال أهل العلم بنسبة هذا الباب. Donc on va se contenter aujourd'hui de ce qu'on a vu. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on poursuivra en nommant ou en citant les utilités qu'ont donné les gens de science concernant ce chapitre. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.